logique, le rap naïf, étranger, natif, de Bruxelles j'arrive. Charleroi, ma jeunesse, mon parcours, mes faiblesses, mes amours, mes espoirs, mes amours. MC, je suis de ceux qui disent vrai, on écrit avec le cœur, pas pour te distraire. On fait de l'information, mes textes sont des articles, mes frères sont des guerriers, mes frères sont des artistes. L'exode rap n'a pas d'origine, pas d'appartenance, car chaque jour on se réinvente. Une seconde, une révolte, mon pote, donne-moi 16 ans et je te marque une époque. Les MCs ne réalisent pas tout ce qu'ils proposent. Une ado microphone, pas de quiproquo. Informateur soucieux devant mon texte plaire, qu'est-ce que t'espères? Moi je veux juste kiffer sur la caisse à plaire. Ça part en couille, parce que j'ai plus le temps de poser, de glander. Alors j'écris avant d'être fracassé, avant de tout niquer. Rock MC a plié, il paraît que je suis douillé, mais bien trop doué. Bordélique, peut-être inoffensif. Donne-moi une feuille, un bic, je te fais péter un fusil. Le thème est pas triste, check un peu le décor. Laisse-moi en 16 en one shot et au contrat mes morts. Si d'un speech déborde, moi j'élabore un plan. Avec l'exode arabe, faire saigner le son à blanc. On veut des sous mais sans, le sang sur nos mains. On fait saigner les tympans, on se trompe pas de chemin. Rap de sale gamin, notre kiff c'est la musique. On aime le faire bien, bouger la tête dans la rythmique. Objectif et critique, on rappe pas pour se nourrir. On reste authentique, même parti dans des sales délires. Les murs du son est recouvert de graphes, exode rap. Voici le résultat si tu me donnes le mic. Tellement hip hop que je commence avec une punchline. J'assume à la prod, tu connais le programme. Je touche le fond mais je garde la forme. Baisse d'un ton, ton rap game on l'assomme. On emmerde ces créateurs de subsides, tous ces musiciens qui ne produisent que des bides. Écoute le flow à l'ancienne, on est la nouvelle vague. Sors sur le net, compte de mettre à la page. Thibaut, mon prénom c'est mon blaze. De Charleroi à BX, authentique dans tes bases. Bouge, je perds la boule, les pédales dans la semoule. Pas de bouche à bouche, l'amour coule mais personne ne se mouille. Allô, je ne raccroche pas le rap, je trouve mes galops. Man, du somme des galops, comme Oxmo j'ai mal au Mike. Venu de loin pour battre le temps, les guerriers le savent, rien ne sert d'hausser le ton. Venu décrire ce qui à nos yeux est important, puisque la vie est un combat, je retiendrai toutes ces leçons. Technologie pour la croissance du capital, discours démagogique qui pousse aux guerres mondiales. Je n'ai que 16 mesures pour faire le tour, alors j'irai au but sans faire de détour. Nous sommes des militants pour la paix qui avancent bien souvent le cœur rempli d'anxiété. Pourtant, on participe au mouvement, ensemble on fera face pour faire tourner le vent. Ensemble on fera face pour faire tourner le vent.